On m'a dit, ne baisse pas ta garde, ne laisse pas tes gars soi-disant un gros poisson, mais je vois qu'il y a la pêche au pataguet. Ne reste pas au sol, les gens te piétinent, imbécile. Si tu te lèves pas, c'est dans la peine que tu vas périr. Ici la verdure sans la braise. J'ai l'impression que tout va mal, je voulais faire bref. Mais la pression monte d'un cran, d'après le son, c'est ma septième mesure. On m'épaule moi putain, je vois que des traites me suivent. Je fais les 100 pas, je sens que le beat s'emballe. En part ces gros stars, on met les voiles. Même si la peine s'empare de nos âmes, même si la haine se sent pas. Un style différent, opposé, mais j'ai cet air de Mozart. Moi aussi je rêve, tu sais, des proches au cimetière, je sais. Intérieurement parfois, moi aussi je rêve du ciel, voir de nouveaux horizons, car le décor est vide. La routine me traque, je vais finir écorché vif. Ne crois pas que la vie t'épargne, c'est physique, donc baisse pas ta garde. Si tu pètes un câble, défends-toi pour être inattaquable. Je fais pas de zèle, jamais, je compte sur moi-même. Et trouve ta voix avant de crier à l'aide. Ne crois pas que la vie t'épargne, c'est physique, donc baisse pas ta garde. Si tu pètes un câble, défends-toi pour être inattaquable. Je fais pas de zèle, jamais, je compte sur moi-même. Et trouve ta voix avant de crier à l'aide. Je suis pas ton père. Je vais pas te raconter des histoires, car le seul de mes exploits, c'est de mettre en rythme mes désespoirs. Et même l'obsy nous exploite. On m'a dit, fais un travail sur toi-même, mais tout travail mérite salaire. Enfin c'est ce qu'on nous laisse croire. Depuis que je fais de la musique, j'attends qu'on me signe. Alors je fais mon signe de croix. Ce gros star c'est pas des blagues, c'est du lyrique sur Black B. Appelle-moi la plaque, car je reste marre, même si je fais pas de blé. Les crasses, j'ai connu les casses, j'ai voulu comme as, j'ai voulu. Jusqu'à que mon temps soit révolu. C'est la face des sentiments. Pourtant je fais pas de danse dans n'importe quel domaine, j'suis tellement dehors que je suis pas dedans. J'avance, yo, et je garde ma garde. Je combats mon sinistre comme au Krav Maga. Car je suis grave macabre. Dans ma cave, rien ne tourne, ni le vent, ni de meuf cavale. D'où je gambade après le succès, putain, qu'est-ce que je crave. Ne crois pas que la vie t'épargne, c'est physique, donc baisse pas ta garde. Si tu pètes un câble, défends-toi pour être inattaquable. Je fais pas de zèle, jamais, je compte sur moi-même. Et trouve ta voix avant de crier à l'aide. Ne crois pas que la vie t'épargne, c'est physique, donc baisse pas ta garde. Si tu pètes un câble, défends-toi pour être inattaquable. Je fais pas de zèle, jamais, je compte sur moi-même. Et trouve ta voix avant de crier à l'aide. Je marche toujours la rage au ventre en guise de gilet pare-balles. Ce gros star un pare-balles, bruyant comme au pare-balles. Le sang chaud à la moindre encartade. Je me suis mis du plomb dans le crâne pour alléger mon cartable. Faut que je respire, le temps passe à toute allure et toute la nuit. Je me pose des questions, je doute et puis j'admire le ciel étoilé. Je me laisse aller, je me sens sali. Les poings serrés me rendent instable, l'addition je la sens salée. Esselé car en solo, essoufflé car je cours à ma perte. Et moi je gagne, plus j'ai plus rien à perdre. Trop pas les cartes. Je veux jouer franc jeu mais je trouve pas les cartes. Juste 3 points qui tapent l'arceau quand y'a 2 points d'écart. Ma mémoire sature, j'ai plus d'air à l'écart comme ça. Tu en l'appelles colombe, je l'ai plumé à l'étroit, hélas. Tu peux rien pour moi, tu sais depuis le temps que ça dure. C'est juste un papou qui refait le monde avec ça. Ne crois pas que la vie t'épargne, c'est physique donc baisse pas ta garde. Si tu pètes un câble, défends-toi pour être inattaquable. Je fais pas de zèle, jamais, je compte sur moi-même. Et trouve ta voix avant de crier à l'aide. Ne crois pas que la vie t'épargne, c'est physique donc baisse pas ta garde. Si tu pètes un câble, défends-toi pour être inattaquable. Je fais pas de zèle, jamais, je compte sur moi-même. Et trouve ta voix avant de crier à l'aide.